Vous concevez, lecteur, jusqu'où je pourrais pousser cette conversation sur un sujet dont on a tant parlé, tant écrit depuis 2000 ans, sans en être d'un pas de plus avancé. Si vous me savez un peu de gré de ce que je vous dis, sachez-moi beaucoup de ce que je ne vous dis pas. Tandis que nos deux théologiens disputaient sans s'entendre, comme il peut arriver en théologie, la nuit s'approchait. Ils traversaient une contrée peu sûre en tout temps, et qu'il était bien moins encore que la mauvaise administration et la misère avaient multiplié sans fin le nombre des malfaiteurs. Ils s'arrêtèrent dans la plus misérable des auberges. On leur dressa deux lits de sang dans une chambre formée de cloisons entrouvertes de tous les côtés. Ils demandèrent à souper. On leur apporta de l'eau de mare, du pain noir et du vin tourné. L'hôte, l'hôtesse, les enfants, les valets, tout avait l'air sinistre. Ils entendaient à côté d'eux les rires immodérés et la joie tumultueuse d'une douzaine de brigands qui les avaient précédés et qui s'étaient emparés de toutes les provisions. Jacques était assez tranquille. Il s'en fallait beaucoup, que son maître le fût autant. Celui-ci promenait son souci en long et en large, tandis que son valet dévorait quelques morceaux de pain noir et avalait en grimaçant quelques verres de mauvais vin. Ils en étaient là, lorsqu'ils entendirent frapper à leur porte. C'était un valet que ses insolents et dangereux voisins avaient contraint d'apporter à nos deux voyageurs, sur une de leurs assiettes, tous les os d'une volaille qu'ils avaient mangés. Jacques, indigné, prend les pistolets de son maître. « Où vas-tu ? Laisse-moi faire. Où vas-tu, te dis-je ? Mettre à la raison cette canaille. Sais-tu qu'ils sont une douzaine ? Fussent-ils cent ? Le nombre n'y fait rien. S'il est écrit là-haut, qu'ils ne sont pas assez. Que le diable t'emporte avec ton impertinent dicton. »